C'est vrai que nous sommes dans le chapitre 7 que je vais présenter ce matin. Ça fait 2 semaines, on ne s'est pas vu. Il y a une semaine, j'étais accompagné Jean-Claude à Chambly, là. L'autre semaine, tout le monde était malade. Tout le monde est encore malade. Dieu m'a épargné pour être avec vous ce matin. Et que je vais en profiter. Et donc, Samuel, je pense que Landry, tu l'as dit là, on est un bon petit groupe, mais il nous manque des joueurs. Donc, Samuel qui n'est pas là va prendre le prochain exercice qui était prévu pour moi le 6 août. Moi, je vais le remplacer ce matin pour le chapitre 7. Et je tiens aussi à souligner que les enseignements, là, en tout cas quand je les fais, sont toujours préparés à 50% par l'équipe de louange. Parce qu'ils disent dans les chants exactement ce qui est prévu dans le texte. Donc, ça facilite la vie. Merci Roger, merci tout le monde. Et ça montre, ça témoigne que l'esprit est uni dans l'enseignement. Moïse, ça vous dit quelque chose? Moïse. Quand Gilles l'a présenté au chapitre 3, il a dit, un homme comme nous, entre les mains d'un grand Dieu. Un homme comme nous. C'est important de se rappeler que c'est un homme comme nous, Moïse. Il fuit la mort parce que Pharaon veut le tuer. Il s'en va à Madian, chez Jéthro, ou Réuel, et il va y rester pendant 40 ans à faire sa vie. Quand il quitte l'Égypte, il a à peu près mon âge, il a 40 ans. De l'autre bord, il va rester 40 ans à faire sa vie. Il va fonder sa famille, il garde les moutons, il fait sa vie, il a sa stabilité. 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît et lui dit, je vais bouleverser toute ta stabilité là. Je vais te confier une mission. Et pas une petite mission. Vous savez que le même Moïse qui écrit le psaume 90 dit dans ce psaume qu'on vit 70 ans et 80 pour les plus robustes. Alors 80, d'après ce psaume, ce n'est pas un âge pour commencer. C'est un âge où on est établi. Les Français diraient un âge canonique, c'est-à-dire un âge où on est prêt. On a du vécu, on a une grâce du nombre de jours que Dieu nous a accordés. Mais là, ce n'est pas la perspective de Dieu. C'est à cet âge que Dieu lui dit, tu retournes en Égypte, c'est avec toi que je vais travailler en Égypte. Donc, ce Moïse, évidemment, 80 ans d'expérience, il est assez du vécu pour connaître ses limites dans la vie. Il dit, moi j'ai des limites, j'ai des peurs, j'ai mes doutes, qu'il exprime à Dieu. Dieu l'écoute, Dieu l'entend. Et Dieu répond, sans changer d'avis, évidemment. Et quand il arrive en Égypte, ce Moïse, et évidemment, et je pense que c'est Landry qui disait, c'est Gilles qui disait dans sa prière que ce Dieu va se présenter à lui comme le Dieu qui est, qui était et qui sera, le grand Dieu, l'éternel. Et quand il arrive en Égypte, Il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il rencontre des difficultés. Il commence à se re-questionner, à re-questionner Dieu. Pour savoir, est-ce que c'était vraiment une bonne idée que tu m'envoies ici? Alors, et c'est très important qu'on suive le cheminement de cet homme-là qui est comme nous. Parce que quand on arrive au chapitre 7, la semaine passée, j'ai regardé les notes de Guillaume. Ce que Guillaume a présenté, c'est Moïse, Dieu le prend, le fait cheminer pour le fortifier dans sa foi, afin qu'il arrête de douter ou de questionner ou de discuter et qu'il puisse parler au peuple avec assurance. Il puisse parler de Dieu au peuple, il puisse parler de Dieu à Pharaon avec assurance. Donc, c'est un cheminement. Donc, quand on arrive au chapitre 7, Moïse passe à une autre étape dans son mandat. C'est l'étape la plus connue de son ministère en Égypte, là, la confrontation avec Pharaon, les 10 plaies, okay? comme on les appelait là, les 10 plaies. Donc, le chapitre 7 introduit ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez le texte en écran. Romain nous dit, Dieu dans Romain nous dit que depuis longtemps que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance dont Guillaume parlait la semaine passée, parce que ce qu'il expliquait, c'est que Dieu se révèle de façon progressive à son peuple. D'abord, il s'est révélé à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Il se révèle à Moïse comme non seulement tout-puissant, mais éternel. Que l'André appelait tantôt le Dieu tout-puissant El Shaddai, c'est ça? Alors, ce Dieu-là, toute cette puissance, toutes ses qualités, sa divinité éternelle, sa puissance infinie, se voit fort bien quand on les considère dans ses œuvres. Parce que de semaine en semaine, dans les prochains jours, prochains mois, ce qu'on va regarder, c'est ses œuvres en Égypte. Les œuvres de sa puissance. Ça, c'est version français courant. Ça se peut qu'il y en a qui se posent des questions parce qu'ils ont l'habitude de les lire en 8 secondes. Donc, les humains sont donc inexcusables. Les humains, ça inclut Pharaon, ça inclut ses magiciens, ça inclut ses sages, ça inclut ses prêtres, ça inclut tout le monde. Ils sont donc inexcusables parce qu'ils connaissent Dieu à travers ses œuvres, sa création, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides, leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce qu'on découvre dans l'Exode, c'est que notre grand Dieu veut qu'on l'admire. Il est l'admirable. Qu'on considère ses œuvres, on voit ses œuvres et qu'on soit en admiration, qu'on soit impressionné, qu'on se laisse impressionner par lui. Okay. L'ennemi agit pour faire du bruit. Dieu aussi agit. Et la façon de fuir le bruit que l'ennemi fait, parce qu'il aime beaucoup imiter Dieu, inutile de le dire, c'est qu'on soit constamment en admiration devant ses œuvres. Et ce matin, je suis vraiment content d'être tombé sur un texte, il n'y a pas beaucoup de choses à présenter. Il y a deux prodiges ou deux signes que je vais vous présenter et qui amènent le serviteur à admirer Dieu et à s'affermir dans la foi. Je vais parler de prodiges, je vais parler de signes, je vais parler de miracles, c'est la même chose. Parce que quand on lit les commentaires bibliques, là, souvent on parle des 10 plaies. En Égypte, je n'ai pas beaucoup retenu ce mot parce qu'il apparaît une seule fois, c'est au chapitre 9 dans Exode. Quand Dieu parle de ce qu'il a fait en Égypte, il parle de prodiges, il parle de grands jugements, il parle de signes, il parle de miracles. Et quand on parle de plaies, on parle dans les commentaires, on parle de ce qui touche l'ensemble de la nation. Mais souvent, il y a des choses que Dieu a fait, en particulier les premiers signes, qui n'ont pas nécessairement impacté l'ensemble de la nation, mais qui étaient une démonstration de quelque chose devant Pharaon. Donc, j'ai plutôt opté soit pour le mot prodige, soit pour le mot signe. Et c'est la même chose. Alors, on va lire le chapitre 7. Est-ce que vous y êtes? Des fois, je vais m'arrêter pour dire des choses, mais on va le finir un jour. Je vais commencer au chapitre 6 à partir du verset 28. Et pour le chapitre 7, là, je vais m'arrêter au verset 25. Jean-Claude va reprendre à 26 parce que c'est le même récit qui continue à 28. Mais pour se remettre un peu dans les textes de la semaine passée avec Guillaume, je vais commencer au verset 28 du chapitre 6. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il ? » L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Vous remarquez ici, là, face à Pharaon, face à l'adversité, Dieu se fait un avec son serviteur. Il se fait un avec nous. Quand on est à son service, quand on rencontre des difficultés, des épreuves, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu se fait un avec nous. Et c'est là l'assurance qu'on a pour pouvoir persévérer. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, firent autant par leur enchantement. Ça, c'est une partie sur laquelle je ne vais pas beaucoup m'attarder. Là, c'est le contexte historique, c'est juste que les Égyptiens... Là, vous vous souvenez quand Paul arrive à Athènes, il dit aux Grecs, là, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Parce que quand je marche dans les rues, là, que je vois les objets de votre dévotion, là, vous êtes pas mal religieux. Et même, j'ai vu un hôtel avec une inscription à un dieu inconnu. À ce point-là, religieux. Les Égyptiens ne sont pas mal religieux, OK? Et ils ont des dieux et des dieux et des dieux. Ça ne finit pas. Parce que chaque phénomène surnaturel qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer, ils vont le personnifier en une divinité. Alors, ceux qui sont attitrés au culte à ces dieux-là, c'est des savants, historiens, des érudits qu'on appelle ici sages et enchanteurs. Okay? Et un des arts magiques les plus répandus dans leur culture religieuse, c'est ce qu'on appelle les charmants de serpents, là, les gens qui jouent, vous voyez ça un tout petit peu en Inde aujourd'hui. Qui jouent avec des serpents, qui font de la magie, en fait, avec des serpents. Mais c'était juste un petit contexte historique parce que ça dit ici qu'il y a des enchanteurs, ça dit qu'il y a des magiciens. Il y a beaucoup de magie dans les religions égyptiennes de l'Égypte antique. Alors, dans ces magiciens-là, au verset 12, ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Pharaon, on espère, hein? peut-être qu'il sera avec nous, qui sait. Alors, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Et ici, ça c'est un des dieux, le Nil pour eux, là, parce qu'ici, Pharaon, c'est comme un rituel d'aller se laver au Nil, parce que Dieu va l'envoyer là à trois reprises pour rencontrer, envoyer Moïse à sa rencontre au bord du Nil à trois reprises. Là. Et le Nil pour eux, c'est la principale ressource économique du pays, en termes d'agriculture et... Pour eux, cette source de bénédiction est constituée en divinité. C'était un dieu. Le Nil, pour eux, c'est une divinité. Il y a une personnification du Nil au travers d'un dieu qu'ils adorent. Et Pharaon descend là de temps en temps, on se lave, on fait ses rituels. Et là, Moïse est à sa rencontre à ce niveau-là. Et c'est très intéressant de le souligner parce que les arts magiques, les Nils, c'est des appuis pour Pharaon. C'est des choses auxquelles il croit. C'est des choses auxquelles il s'appuie pour défier Dieu, sur lesquelles il espère. Et ce sont des choses que Dieu détruit les unes après les autres. Alors, on arrive au verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Il y avait du sang dans tous les pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Encore une fois, le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et pire encore, verset 23, Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, il ne prit pas même à cœur ces choses. Jean, et ça lui dit rien. Il n'est pas là. Verset 24, « Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. » Verset 25, donc je m'arrête là. Alors, pourquoi les signes en Égypte? Parce que Dieu dit quelque part un peu plus loin à Pharaon dans Exode que, écoute, si j'avais voulu t'exterminer, là, je l'aurais fait. Mais je t'ai laissé subsister pour que tu vois ma gloire et que mon nom subsiste, mon nom soit publié dans les nations. Alors, mais Dieu a quand même choisi d'opérer jusqu'à 10. Et si on inclut le premier, le miracle d'introduction, là, le serpent, le miracle pour se dire « on est là », on en compte 11. C'est parce que ces signes ont une fonction, qui sont des fonctions, une fonction bien décrite, bien dite dans plusieurs psaumes en fait. Et quand les psaumes parlent de ces signes-là, parlent des prodiges que Dieu fait, ça renvoie toujours à ce que Dieu a fait en Égypte. Si on prend par exemple le psaume 72 que j'ai mis ici à l'écran, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le seul qui fasse des prodiges. » Il est le seul qui fasse des prodiges. C'est-à-dire, le seul qui fait quelque chose et on dit, waouh, on n'a jamais vu ça auparavant. Quelqu'un peut, il est, de toute évidence, il laisse le pouvoir à Satan d'imiter ce qu'il fait. Mais il est le seul qui fasse quelque chose et qui nous captive en disant, ah, waouh, c'est possible. On n'avait pas vu ça avant. Alors, ça dit, pour toujours béni soit le Dieu de gloire. Hein? Les prodiges sont rattachés à sa gloire. Et que la terre soit remplie de sa présence glorieuse. Amen, oui, qu'il la soit ainsi. Dans le psaume 65, ça va plus loin. Ça nous dit que dans sa bonté, Dieu nous exauce par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté, Dieu se déploie dans toute sa puissance. Dieu intervient dans toute sa puissance pour nous secourir. Il nous exauce en faisant des miracles pour nous. Il nous exauce en posant des gestes bouleversants pour la gloire de son nom et pour le bien de ses élus. Et plus loin, ça nous dit que ces prodiges, en fait, que Dieu fait, ne sont pas faits pour rester ici aujourd'hui, c'est fini, on les oublie. C'est fait pour être raconté de génération en génération. Ça, c'est le psaume 78. Ce que nous avons entendu, que nous savons, que nos pères nous ont raconté, nous le racontons, nous ne le racontons point à nos enfants, nous dirons à ta génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance. Dieu veut qu'on raconte ce qu'il a fait. Et c'est très important parce qu'on est dans un monde où... Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste est né, là, son papa Zacharie, puis sa maman Élisabeth, là, et il est resté muet parce qu'il a douté. Et quand il est né, la maman dit, ben, il va s'appeler Jean, le garçon. Ils disent, mais il n'y a personne chez vous qui s'appelle Jean, pourquoi tu veux l'appeler Jean? Et quand la langue de Zacharie est dénouée, là, il confirme que oui, son nom c'est Jean, parce que le nom qu'on lui avait donné. Et c'est dit après que toutes ces choses se racontaient dans les villages alentours, dans les montagnes. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Et Jésus a fait tellement de miracles puissants. Est-ce que vous entendez quelqu'un en parler à vos côtés de temps en temps? Ou est-ce que nous, on en parle? Est-ce que nous sommes vraiment toujours émerveillés aujourd'hui par les miracles que Jésus a opérés et qui sont constamment devant nous tous les jours, chaque instant? Bien au contraire, parce que là, c'est vrai, on enseigne, on dit Dieu Tout-Puissant, etc. Mais ces mots-là ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant. Moi, je travaille avec des outils tous les jours. Je peux citer juste Excel. Et quand je suis au travail, je peux vous dire, Excel est un outil vraiment très puissant. C'est vrai? Le mot puissant que j'utilise pour parler de Dieu et ses œuvres, je l'utilise pour parler d'autre chose. Comment voulez-vous que je reste en admiration par rapport à la toute-puissance de Dieu? Ça diminue l'importance de ce mot dans mon esprit. C'est la réalité. Ça m'arrive, ça peut arriver à d'autres. Alors, Dieu, lui, il opère pour qu'on en parle, pour qu'on raconte, pour qu'on soit émerveillé. Et quand il va donc envoyer Moïse et Aaron devant Pharaon, Dieu, évidemment, il sait, parce que les signes, quand on considère ce que nous explique l'apôtre Paul dans Corinthiens, là, parlant de l'exemple des langues, il dit les signes, les langues comme signes sont pour ceux qui ne croient pas. Okay? Et tandis que les prophéties sont signes pour ceux qui croient. Et quand Moïse a donné quand Dieu a donné des signes à Moïse dans le buisson, c'était pour dire, si le peuple ne croit pas, tu fais ça. Et un des signes là qu'il lui a donné, effectivement, le signe du serpent, là, et même le signe de l'eau transformée en sang. Donc, les signes, Dieu sait que Pharaon ne va pas croire. Il le sait, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a même donné des signes à Moïse, sachant que le peuple pourrait douter. Alors, il sait, il dit, si Pharaon vous dit, faites un miracle. Donc, vous venez me voir en qualité d'ambassadeur de l'Éternel. Moi, je suis un homme religieux, ancré dans les religions égyptiennes, les magiciens m'entourent. Vous venez me voir en qualité d'une divinité que je ne connais pas. Démontrez-moi-le que c'est lui qui vous envoie. Faites un miracle. C'est Dieu qui prévient que Pharaon va demander un miracle. Il dit, quand il va vous le demander, voici comment vous allez procéder. Et évidemment, c'est le cœur humain. C'est le cœur humain de vouloir un miracle. Jésus l'a dit aux Juifs, là, le verset que je vous ai mis en bas. Et les Juifs lui disent, quel miracle fais-tu donc, hein? Lui aussi l'est envoyé par Dieu vers le peuple. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions? Et quand on aura vu, on va t'écouter. Il dit, que fais-tu? Donc, c'est ça la question de Pharaon. Vous me voir une fois, ok? Là, tu reviens. Que fais-tu? Quel miracle me montres-tu? Alors, ce tableau-ci, là, je ne l'ai pas complété exprès. C'est juste que vu que j'ai introduit les signes, les 10, ceux qui vont venir après vont le compléter au fur et à mesure. Donc, moi, là, le signe numéro que j'ai marqué 0, là, c'est le serpent, okay, dont on va parler. Ensuite, il y a le Nil qui est transformé en sang. Et une étude que j'ai trouvée très intéressante dans les commentaires de John MacArthur, là, c'est qu'il est capable, en faisant des recherches, là j'ai été un peu lié malheureusement, lié à quoi se rattachait chaque divinité des Égyptiens, là ça faisait quoi dans la vie, là, et puis qu'est-ce qu'on croyait, ça voulait dire quoi, ok? Donc il est capable de faire le lien entre les signes que Dieu opère et le mensonge qui est détruit en arrière. Donc, comme je vous ai dit tantôt, là, les Égyptiens, c'est un de leurs arts magiques préférés, c'est les charmeurs de serpents. Là. Et le Nil, là, c'est le dieu qui est écrit. Donc je voudrais, bon, je vais prononcer le nom de Dieu qui est personnifié par le Nil. Et tu as les grenouilles, là, le dieu des grenouilles, là, lui, la carmine, une tête de grenouille, là, mais il va aussi avoir un signe par rapport aux grenouilles, là. Les poupes, etc. Il y a un dieu en arrière de ces phénomènes surnaturels, là. Les mouches. On arrive jusqu'au 9e, qui est le dieu égyptien le plus connu, là. C'est ceux qui connaissent un peu leur histoire, le dieu Atum, là, qui s'appelle Ra-Ure, qui est pour les Égyptiens le dieu créateur, OK? Le créateur de l'univers, pour eux dans leur croyance. Et quand on arrive au 10e signe, il n'y a plus de Dieu. Le 10e signe, c'est-à-dire la mort des premiers-nés, Pharaon n'a pas d'appui. Il n'a pas de quelque chose sur laquelle il dit peut-être que j'espère en ça. Il est seul face à Dieu. Seul. Il n'y a pas un truc qu'il peut dire. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. C'est fini, c'est fini. Progressivement, Dieu détruit ses croyances, ses fausses croyances, pour lui montrer que c'est lui l'Éternel. C'est lui qui est Dieu. Et évidemment, très tôt, les magiciens qui sont des prêtres de ces dieux-là vont être à court de moyens. Parce que très tôt, ils ne sont même plus capables de reproduire les signes. Et c'est le mensonge qui est détruit. Littéralement détruit. Et ça pose, en fait, la question. Parce que les gens à qui on parle tous les jours, quand on parle du Seigneur, ces gens-là ont des appuis. Ils ont des raisonnements, ils ont des arguments. Et des fois, Dieu nous met dans leur vie à un moment où ils ne savent pas. Ils ont essayé plein de choses. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont face à Dieu. Ils sont face au seul Dieu qui peut répondre à leurs questions. Ils pensaient si, mais ça n'a pas marché. Ils pensaient ça, ça n'a pas marché. Ils pensaient ceci, ils ont essayé ceci, ils ont essayé cela. Ça n'a pas marché. Là, ils sont, c'est Dieu. Toi et Dieu. Le reste, c'est fini. Parce que eux autres, là, le neuvième, c'est lui le président du conseil des dieux de l'Égypte qui s'appelle la grande Enéa dans leur histoire. C'était le dernier rempart, on va dire. Donc, Dieu a détruit ça. Alors, Dieu commence donc par le signe du serpent. Au début, ce signe était pour, et avait été donné à Moïse dans le buisson pour, si le peuple doute que c'est moi qui t'envoie, tu feras ça. Le même signe est répété devant Pharaon. Les signes que Dieu avait donné au peuple pour susciter la foi du peuple est répété devant Pharaon par Moïse avec le même bâton d'autorité que Dieu lui a donné. En fait, ici c'est Aaron qui va le jeter, ça va être le bâton d'Aaron. Ça reste la verge de Dieu pareil. Comme les Écritures l'appellent. Et ce qui est émerveillé, parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand Moïse va sortir de ces deux premiers signes-là, là, il change d'attitude. C'est comme il prend en assurance par rapport à ce qu'il a vu. Il est plus confiant. On ne le voit plus douter. Dieu lui a montré quelque chose. Donc, il va se présenter devant Pharaon, il va jeter la verge par terre, comme on l'a lu. C'est verset 10 à 13. Ça dit, ils allèrent auprès de Pharaon. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, qui devant ses serviteurs, elle devant un serpent. Les magiciens, les sages vont jeter les leurs, et Dieu va établir sa toute-puissance sur ce que les Égyptiens croyaient être des maîtres, on va dire ça comme ça. Dieu va leur montrer que c'est moi l'Éternel. Ce que vous avez comme appui n'est rien devant l'Éternel. Et c'est tellement important de souligner que ce n'est pas un combat de Dieu contre Pharaon. C'est même pas un combat de Dieu contre les dieux d'Égypte. Non, vraiment pas. Dieu est en train de glorifier son nom. Il se trouve que Quand la gloire de Dieu est glorifiée, le nom de Dieu est glorifié, la vérité est rétablie. Il est Dieu. Le reste n'est rien. Alors, donc, le premier signe que Dieu fait pour donner de l'assurance dans leur cheminement, dans leur marche, à ses serviteurs, en particulier à son serviteur Moïse, c'est de montrer sa domination et sa toute-puissance sur ce que le monde est capable de produire. Le deuxième signe, c'est le Nil qui est transformé en sang. Quand on veut dessiner, on s'imagine un peu des choses comme ça, là. Et ceux qui ont vu les films des 10 commandements, c'est tellement bien exécuté qu'on nous montre une scène avec Pharaon et ses serviteurs au bord du fleuve en train de venir faire plein d'incantations, là, et puis Moïse et Aaron qui arrivent, etc. C'est très, très, très bien exécuté. Alors, le premier, si le résultat, c'est que Pharaon s'endurcit. Il ne veut rien savoir. Le deuxième signe, Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon, au bord du fleuve. Il lui dit ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va priver l'Égypte de sa première source, de son principal atout économique. Pour montrer aux Égyptiens que, écoutez, juste, c'est comme tu prends un enfant, là, tu dis, écoute, ça m'arrive déjà de faire ça, il n'a que 13 mois, s'il faut. Le but ici, ce n'est pas de les assoiffer du tout, si Dieu voulait les assoiffer, il les assoifferait. Le but, c'est écouter. Écoutez. Regardez, soyez étonnés. Regardez, soyez émerveillés. Parce que Dieu, le Dieu de l'éternité, parle. Il te dit, il te demande quelque chose. Donc, Moïse exécute ce signe qui détruit un mensonge sur lequel les Égyptiens s'appuient depuis des siècles. Depuis des siècles. Donc, mais les magiciens et les enchanteurs d'Égypte en firent autant. C'est-à-dire que Dieu permet que ces gens-là limitent dans ce qu'il vient de faire. Bon, maintenant, quand on lit les commentaires, là, en firent autant, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont refait exactement la même chose? Est-ce que c'est, comment on dit ça aujourd'hui, illusion d'optique, je ne sais pas quoi, là? Ce qui est écrit, c'est qu'ils en firent autant. Ça veut dire, genre, ils ont fait la même chose. Quelle forme ça a pris? Est-ce que ça a juste fait plus de sang? Je ne sais pas. Mais ils en firent autant par leur enchantement. Alors, quand on regarde ça de près, on regarde ce qui se passe en Égypte. On dit, Dieu exécute des signes pour susciter le respect de son nom. Dans le cœur de Pharaon, ses serviteurs, des Égyptiens, pour affermir la foi de ses serviteurs, des serviteurs de Dieu, Aaron et Moïse. Dieu veut libérer son peuple pour que son peuple serve dans l'admiration. Oui, tantôt, quand ils vont sortir, là, ils vont tellement lui chanter un cantique d'admiration. Là, les paroles sont profondes. Dieu veut libérer son peuple pour que son peuple le serve, le peuple le contemple, l'admire, admire ce qu'il fait. Mais le monde agit en sens inverse. Le monde, ici symbolisé par l'Égypte, veut les garder conformes, captifs le monde agit avec ce que la Bible appelle une puissance d'égarement, une puissance de mensonge pour susciter de la distraction. Regardez l'assurance de Moïse. Parce que peut-être que si ça avait été moi là, Dieu vient de faire, les Égyptiens en font, j'aurais dit, oh waouh, oh mon Dieu, les prêtres égyptiens sont bons. Waouh, hey, on va faire la compétition. Moïse n'est pas là. Il est concentré, capté par ce que Dieu fait. Et ce que l'autre fait, c'est pour distraire, attirer l'attention à lui. Il ne peut rien changer. Il ne peut rien produire de nouveau qu'on ne connaisse pas. Mais il peut imiter pour distraire. Il peut imiter pour nous détourner. Alors que les serviteurs de Dieu, là, je l'ai marqué en rouge, c'est de rester concentrés, admiratifs des œuvres de Dieu. C'est difficile aujourd'hui, en toute honnêteté, parce que le monde évolue et il évolue vite. Et dans le domaine technologique en particulier, j'allais dire il y a des merveilles, mais je me reprends. Il y a des choses qui se font et qui sont impressionnantes et qui font l'objet de discussions tous les jours, au travail, chaque instant, avec tout le monde. Il y a des nouvelles créations et on va à l'espace, on explore tout, il y a des nouvelles découvertes. Et on en parle, on en parle, on en parle, mais pas assez de ce que Dieu fait. Pas assez de ce que Dieu fait. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on reste admiratif, qu'on garde l'attention, la concentration de Moïse et Aaron sur ce que lui vient de faire, même si l'Égypte peut faire quelque chose qui y ressemble. Alors, en résumé, Moïse et Aaron, ils viennent de passer une phase, ils étaient découragés. Dieu dit, go, levez-vous, on continue. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ne savent pas. Dieu avait dit à Moïse, voici là dans le chapitre 4 verset 21, il dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Il ne lui a pas expliqué que tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça. Ensuite. Moïse s'attend lui-même à voir, à découvrir qu'est-ce que Dieu va faire. Ça va être comment? Ça va prendre quelle forme? C'est ça son attention. Donc il s'attend à Dieu, il s'attend de voir Dieu agir. En fait, l'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est qu'on s'attende de le voir agir quand on est face à l'adversité, on est face à l'épreuve, on est face à toutes sortes de circonstances. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la même attitude. J'attends de voir, je m'en vais faire ce que tu m'as demandé, mais j'ai hâte de voir, ça va donner quoi? Je veux voir. Moïse se laisse impressionner. Moïse se laisse vraiment guider. C'est comme on voyait il y a quelques semaines avec Gilles. Un humain entre les mains d'un grand Dieu. Moïse se laisse guider. Alors, il est passé à « je doute ». Vraiment là, je me pose des questions, je doute, je ne sais pas trop. Il est passé de là, hein, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'Éternel va faire avec moi. J'ai hâte de voir, ça va donner quoi? Et c'est ça la croissance. Et ça la confiance dont Guillaume parlait. Je veux savoir, ça va donner quoi? Comment Dieu va agir? Comment il va répondre? Oui, il y a un problème, mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est comment il va répondre? J'ai hâte de voir. Et ce que ce Dieu veut vraiment, OK? On l'a dit, qu'on l'admire, mais que cette admiration-là nous amène à être prêts à tout pour lui. Parce que quand tu admires vraiment, là, que tu dis, waouh, ça ne laisse pas indifférent. C'est que cette admiration-là, on se laisse, on s'abandonne à lui. Parce que ce que ça fait, ça produit de l'assurance. Et admirer, ce n'est pas compliqué en parole, c'est de reconnaître et accepter sa toute-puissance et sa divinité éternelle. Rien n'est impossible à Dieu. À partir de ce moment-là, Seigneur, laisse-moi voir, découvrir ce que tu as planifié, tu as prévu de faire. Comme dit Moïse, me voici. Alors, mais l'obstacle, comme on disait plus haut, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour. Il y a tellement de bruit que Jésus nous en prévient dans Matthieu 24. Je cherchais le mot prodige là dans la Bible, ça apparaît 79 fois. Et dans l'Apocalypse, c'est 4 fois. Et les 4 fois là, c'est rattaché aux œuvres de l'Antéchrist. Il fait pleuvoir du feu du ciel. Et ça dit même que, à tel point que il aurait, si ça avait été possible, c'est du rêve des élus. Et Matthieu 24 nous annonce ça, qu'il va arriver là, l'Antéchrist, qui va faire des prodiges et des miracles pour séduire. Donc, l'obstacle, c'est ça le piège. C'est de ne pas prêter attention à lui. Sachant qu'il fait bien des choses. Il fait bien des choses. Et pour ne pas prêter attention à lui, il faut rester concentré. Et la question qu'on se pose, évidemment, est-ce que tu es admiratif? Est-ce que je suis admiratif des œuvres du Seigneur? Juste relis les évangiles là, et redécouvrir les miracles de Dieu. Les vivre, en fait. Parce qu'on les lit, on l'a lu. On est même capable de les citer les yeux fermés sans lire. Mais redécouvrir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et Guillaume a cité un verset la semaine passée, là, où Paul dit que qu'on ne vous a pas prêché n'importe quoi, là. On vous a prêché la parole afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Alors, crois-tu que le Seigneur est capable d'opérer des prodiges et des miracles dans ta vie? Est-ce que ce même Seigneur peut t'utiliser pour opérer des miracles dans la vie de quelqu'un d'autre? Moi, j'avais écouté un frère avec la jeunesse, là, on était, il enseignait sur Éphésiens, ça dit, vous étiez mort par vos offenses. Ben, il a pris une image assez qui m'a frappé. Il a vraiment pris l'image d'un cadavre. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont déjà vu un cadavre. Tu as beau crier là, hey, il n'y a pas de vie. Il ne répondra pas. C'est ce que nous étions. Et Dieu nous a rendus capables de l'entendre. Dieu nous a donné la vie quand on n'en avait pas. Alors quand Dieu t'utilise pour prêcher l'évangile à quelqu'un et que cette personne en vienne au Seigneur, est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'on le voit comme un miracle? Dieu peut en faire avec nous. Et le miracle ultime, c'est celui-là, hein, n'est-ce pas? Oui, on peut ouvrir la mer, comme on peut voir la mer s'ouvrir, mais quelqu'un qui vient au Seigneur, là, c'est tout un miracle. Amen. Il est passé de la mort à la vie. À la vie éternelle. Est-ce que tu t'attends fermement à voir ce que Dieu va faire quand tu es dans l'épreuve ou quand tu es face à l'adversité? Est-ce que tu t'attends de voir ce que Dieu va faire? Alors, je vais terminer avec ce verset. C'est Moïse qui le dit dans Deutéronome 31:6. Parce que quand on lit Moïse au début, qui discute avec Dieu, que moi je parle pas bien, je parle pas fort, puis je peux pas aller parler, je parle la langue facile, j'ai la langue embarrassée, qu'il arrive en Égypte, qui dit, hey, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Parce que Pharaon, entre-temps, a endurci les conditions de travail. Qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Quand on voit ce Moïse, on prend le même Moïse 40 ans plus tard. Okay? Deutéronome 31, on est presque 40 ans plus tard. Il est en train de dire au revoir parce qu'il s'en va mourir. Dieu lui a dit qu'il va mourir, il ne va pas traverser pour voir le pays. Alors, dans ces mots de revoir, il dit, le même Moïse qui doutait il y a 40 ans, là je peux vous montrer le cheminement, il dit, « Soyez courageux et forts. Ne tremblez pas. Hein? Ne tremblez pas de peur devant eux. Ils sont face à l'adversité. Il y a du monde à combattre, là, des terres à conquérir. Ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous sans quoi? Sans jamais vous abandonner. » Voyez-vous comment Moïse est sorti de l'épreuve? Des fois, on vit une épreuve, on sort, comme on dit chez nous au Québec, amoché. On sort détruit. On sort affaibli, on manque de zèle, on sort découragé. Des fois, on raconte, on dit, avant, j'étais zélé, je faisais ça, il s'est passé telle affaire, j'ai dit, je ne fais plus. Des fois, ça nous arrive, c'est comme ça qu'on sort d'une épreuve. Je faisais ça, l'autre ne le fait pas, donc je ne le fais plus. Mais Moïse sort fort. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé guider, transformer par Dieu. Il sort et Paul nous le dit, soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il sort ferme. Moïse, là, quand on lit Deutéronome, là, il paraît tellement solide, inébranlable. Il parle de Dieu, là. C'est la confiance totale. C'est ce que Dieu veut pour nous. On est face à l'adversité. Ce n'est pas une fin. On a des moyens physiques limités. Écoute, Moïse à 80, il commence une mission terrible. Ce n'est pas les moyens humains, évidemment, qui sont à l'œuvre dans ce que Moïse va faire. C'est bien plus. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Il n'a pas considéré l'âge. Il a considéré le serviteur qu'il a choisi et appointé. Il aurait pu avoir 100 ans, ça ne changeait rien pour Dieu. Donc, c'est à réfléchir. Parce que l'adversité, les épreuves, et à mesure que le temps approche, à mesure qu'on voit le Seigneur, les signes que le Seigneur nous a donnés s'approcher, s'accomplir, ça va être de plus en plus difficile. J'ai partagé cette semaine une étude qui est passée totalement, pas une étude, un article qui est passé totalement silencieux dans les médias, c'est assez terrible. Hein. Des réformes religieuses qui s'en viennent dans l'Église catholique, là, c'est assez important comme changement pour bouleverser la foi de beaucoup de saints. Les lois qui sont votées dans le monde, aujourd'hui, en notre temps, c'est assez bouleversant pour nous décourager et pour nous garder conformes. Et on ne voudra plus qu'on serve le Seigneur. Alors, soyons forts, soyons courageux. C'est-à-dire, n'abandonnons pas notre attachement à la toute-puissance. N'abandonnons pas notre attachement à la foi et laissons-nous guider par Dieu. Amen.